بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وآل طريقة الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي عبد الحرازم برادا ناقلا عن شيخنا وسيدتنا لا ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعنا بهما في شرح يعقوب في شرح الصلاة الغيبية في الحقيقة الأحمدية من كتابه جواهر المعاني وبلوغ الأماني، فإذا عرفت هذا وتحققته فالعبد إذا دخل الحضرة الإلهية لا يدخلها إلا بنسبتها، وهي محق الغير والغيرية من قلبه، فحينئذ يناسبها ويدخلها، فإذا دخلها كان مقامه فيها مناسبة من كشف له من صفات الله وأسمائه إلى آخره. داير فوف لا نيومون تي جوتاي بي ويسو تي والو حضره يالا لا نخ حضره الالهيه نيغي غنا سوري دي ها نيغي غنا سوري تي افيري دنگ حضره بي موم موي بي نيو حضره يالا l'instance divine, donc la présence, l'instance divine, Hadara Yalla, moi, djégué, guir, guitar, nuit, deg, deg, lol, moi, Hadara Yalla. Madame Nit qui boudait ma femme, de Dougus Makam au Korba. Madame Makam, djégué Yalla, deg. Et à maintenir l'aigu, saurait tout Yalla. Fait m'y am distraction, on a tant soit peu. Moment bobu nekul ci hadara yalla mi ngi nek ci hadara yalla bu fekente na distraction bobu insouciance bi négligence yépp dafa den ci mom et que ci yalla lay xalat ci bir yalla di jaara ko ci yalla ngir yalla kessé jëm ci yalla wolof yalla amul lene sa yo xamantene ci bir xalatam xolam ak xelam lenen jaxaso na ci lu bokut ak yalla moment bobu nekul ci hadara bi manam djégué wul yalla dugugul ci instance bi instance divine voilà kon djegge yalla nak kon djegge bi lol mom motax ñu wax moy maana bob djegge bi du place du djegge distance wala sori way voilà parce que boudé ci buntu bob ñepp yalla da lañ djegge wala yalla xam nga amul lieu amul temps amul espace amul comment amul yoyep subhana rabbi xolal li mo wax yent bi sallalahu alayhi wasallam fa iza sa'alaka ibadi anni wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da iza da'ani mena fal yastajibu li wal yu'minu bi lahalakum yashudum la allah yashudum denga sura jami sama jami buñu la laje yow yenenbi sallalahu alayhi wasallam nga xamne yow yaay ci representer sama hadara ya gëna yow yaay en fait yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy lepp sallalahu alayhi wasallam buñu la laajé ci li aju ci man yalla en fait man dama djégé ni qarib yalla mom dafa djégé djégé gi nga xamné mom la yalla djégé kok c'est connu kon mu wax wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid nin ñu gëna djégé jambi ke buumu xolam boum gi nga xamne moy yeungal xol bi xam nga dembu waxna la ne la en réalité yalla moy lan yow yaay irfle wo maqlubu fa anta maqlubuhu wa anta qalbuhu wa huwa qalbuka yow yaay irfle wo mom bu la xole bopum lay gis du gis lenen yow mais mom moy ce yow yaay xolam en fait mais mom moy sa xol tamit wala mo la gëna jégué kon sa boumu xol mom mi xol bi motax ni mi yëngato non lolu wala mais lolu limi nek nek deug nak limi nek nek deug yépp nit ñi duñ ci rendre compte manam la masse populaire le commun des mortels ñom duñ ci rendre compte jamais day ñi dox di dundu di dem ko ñew sans ñu bay sans affaire bobu nek ci ñom ndax lan ndax nelaw ga mom muy ak yegudi manam li ñu wax nawmul ghaflati nelaw gi nga xamne mom lañuy tuddé ak yegudi la distraction sino sul won lool le fait que ñu warana nek ak yalla da fay évident budul won le fait que ñuy distraire di am leneen yo xamantene mo leen di préoccuper nek gi ñi nek yalla ak yeg gi ñi yeg seen borom sa su nek de évident wala la sukuna alamina li ghayrihi han ra'awhu ayanan wal ilahu qarib surul won nit ñi mi nga xamne mom lañuy am distraction bobu ñuy am ba tax manam seen xel ak seen beut ak seen sensi quoi ñukoy orienter fenen fu bokku ci yalla budul won lol kon dañ koy gis ak seen beuti ci djébeur dañuy gis yalla parce que en fait yalla dafa djégué mais djégué gogou et que distraction bi ñu am motax duñ ko gis lolu nak mo waral kon ñepp dañ ko djégué ñepp bok astaghfirullah mom da len djégué de la même manière manam kon lolu quoi manam mom yalla mom muy en fait moy lepp en fait moy l'existence yalla mom la al wujud kullu yalla la moy l'existence mais ñun liñuy gis diko lamb diko dat diko xol et cetera lolu du mom moy existence bi mais lolu mom moy forme bi existence bi am manam forme bi la voilà mais du l'existence en tant que tel mais forme bi la et que ñun dañu distraire ci forme bi par rapport ak manam silhouette yi ba tax gisunu existence bi en tant que tel voilà ñu mel nit romb la ñew wallahi masallah ala nit ki du yeri yi mu sol wala dal yi mu sol wala verre yi mu tak mais yow ngay nek di distraire ci lolu ba li mu lay wax ak li ngeen waron relation yi ngeen waron am yep yow amo ci mom ben ci yoy ngir di xol yere yi dal yi portable ba mu yor et cetera lolu moy ne da nga distraire ci forme lu apparent manam mais réalité mom réalité bi préoccupé wu la en réalité mbir yep nak ñun yi ñi gis ni yep en réalité hein forme lañ bu à travers lesquels yalla daf ci daf ñu ci wan bopam lol mo xew et que ñun ci suñu jëmi bop yalla moy def bi feñ à travers ñun moy suñu loxo bi ni laalé en fait moy suñu tank yi ni dox moy suñu xel yi ni xalaat moy suñu bëtt yi ni gisé et cetera mais ñun duñ ko mëna xam mais ki nga xamne mom moy jaamu yalla di sakko jégeñ yalla sakko jégeñ yalla sakko jégeñ yalla comme ñu ko wax ci hadith qudsi bi ne nit ki ma taqarraba ilayya 'abdi wa ki mo lu ko tud ma taqarraba ilayya 'abdi bi afdala mimma aftaraftuhu 'alayhi sama jam duma sako jegen ci lu gën ci li nga ke li nga xamantene mom la faratal ci kawam waye nak jam bi du deñ ma la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu fa idha ahbabtu kuntu sama'u alladhi yasma'u wa basaru alladhi yara wa asfara hadith bi ja kon manam ke nit ki bu deme di sako jegen yalla tout temps day dem ba nga xamne yalla moy nek han deggum nek gisum nek loxo bi mi laale nek tankam bi mi doxe xel mi xalaté xol bi et cetera but mais en réalité lolou ñepp la duñ du ko kessé mais sauf que kokku mom mo koy xam mo koy yek kokku moy réaliser réalité bobu vérité deug gogou kokku mo koy yek mo koy xam mo koy réaliser bu koy réaliser nak lolou lañ wax né manam de telle sorte que lolou gisati du deggati du xalaati du xolati lulul jëm ci yalla buy xalaat ci yalla lay xalaat bu xolam ci xal buy yëngatu ci yalla lay yëngatu yalla dong lay jeng jëm buy dox ci yalla la jëm te ci yalla tamit la joggé bu togué stabiliser wu teud ci yalla la né fu mu dem ci yalla lay dem koku tamit buy dé en réalité deful dara lulul joggé ci yalla koku déwul dafa toxo ci yalla dem ci yalla voilà tout simplement mom déplacer wu déménager wu en fait déménager wu voilà fi la joggé wu manam nekul di déménager wala muy aménager mom tout temps ci yalla la né nekul ci lenen ci yalla rek la né koku nak lañu wax né gis nga ñooñu moy ñooñu ño nek ci maqamul qurba ñooñu ño jégué yalla gis nga motax hadith bi tamo ma taqarraba ilayya nit du sa gis nga jégué ni sa ku dima jégué ni ñooñu nek ci maqamul qurba jégué yalla yalla qareeb mom dafa jégué yek gogou fokk nga am ko bok legui nga bok ci groupe bobu mais ñoo afraad yi la voilà ñoom ñoo le am voilà ak ñu mag ni ñu mag mag donc sak jégen bobu nga xamantene mom ngay dem ba am jégé moy wa ahlul itlaq kon donc motax afraad yi ñu leen doxo ahlul itlaq en même temps wala ñu wa ahlul mahabbati wala lool moy xadar yalla manam bu fekkenteene dang koy nek ben moment temps bi ngi ko ne manam nonu boko mele ben moment bu ndaw moment bobu yaay xadara bi soko nekatu genn nga comme ni nga xamne lool moy xadar yalla bi en fait amul espace intermédiaire ñaar rek ka fi ne moy da ngay ne ci biir ba nga ne ci biti comme julli la mel julli amul ben moment boy nek bo xamne dañ nan moment bi de neko ci biir julli yaangi ci biir julli en même temps lolou amul non la xadara bi tamit mel da nga ci ne ba nga bañ ci ne bis bo fi lay ni yaangi ci biir bo ci genné genn nga ba kéron nga tay nekkat nga dugga mais sauf que afraad ñom dañ ci nek en permanence lolou tax wala ñom dañuy am possibilité mën té nek tout temps ça soulé deng lool la wax ni mune fa iza arfta bo xamé hada li ñu wax wa taḥaqqaqtahu té mu leer sa bop manam nga xam nga incarné ko fala abdu nga xamné jambi iza dakhala bu duggal hadarat hadara li rahat gay ko jugur yalla la yadkhulu du ko dugg illa lul bi nisbati ha ci askanam te bimu askanam te hadara bi wariyete moy lan mak far ak dindi complètement al khayr lenen wal khayrati ak ko dug lenen mi qalbi ci xolam amul lenen lu ci dugg ni autre rien yalla rek fa hina izin bu boba nak yunasibu ha danako askanam te hadara ba wayrkhulu ha danako dugg wala baba il sera approprié voilà légui amna prérogative approprié na pour meuna dugg voilà pour am visa maintenant voilà meun nañ ko jox visa pour mu dugg xadara yalla bi après mu dugg sinon dañu ñu ko jox voilà xadara yalla bi amul naxanté amul en fait amul motax amul neexalanté en fait amul neexalanté amul service camarade amu ci il faut rek voilà amul ki sama protéger là il va entrer dedans non xadara amul lool mom motax serigne bi même serigne bu gëna fort ci serigne yi lool mom motax muy am talibé ba paré talibé bu ko jël yobbu ko ci xadara bi aujourd'hui même il faut mu jaaral ak mom ci cheminement bi parce que hadara bi mo amul lolu mo amul ay service camarade da ngay am voilà amul ki sama protéger la et cetera non da ngay meuna remplir condition yi ngay yes remplir lo condition yi mais do duggo parce que hadara bi aussi serigne bi rek mom nekou fa di décider lou ko neex d'ailleurs hadara yalla bi kenn du ko tuddu keneen wala leneen lulul yalla moy gisu hadara djuma Allah la ilaha illa Allah Allah rek lañu xoxu fa leneen buñ fa leneen amul leneen hadara amul leneen yalla dal lañu tuddu so nekki ci yalla ay kesse yaangi ci hadara bo ci genné genn nga voilà wa kéro ngey dugga voilà té bo fa nekké nekulo fa dara luddul complément d'objet direct mba indirect mi ben sujet la am yalla hadara yalla sujet bi ben la c'est un seul sujet ñi ci def ñepp ay complément lañ amul leneen ak hadara non ya pas autre chose lool mom motax serigne bi nga xamne lu mu for wallu yu bu mag la mais très fort amna poste yi mag ñi yep yor na len nangam mais mu nekk ak hadara ba amul leneen amu fa titre hadara yalla amul kenn ku fay am ben titre ñepp ay jaamu yalla kessel ni que serigne bi amul ben décision fofu hadara bi moy décider et que limu décider lool mom moy am ci talib talib nak bo xamné dafa dem ba hadara manam boy commencé djégué hadara bi dañ koy tek bu tout temps diko déglu ko tek bu diko top tarxis bu ndaw bu mu def mën na nek punition bu mo tamak ci mom na comme lu wala wax sank li ni djegal ben élève bo xam dafa dem ba terminal elle ñu war ko def lo ñu ne ko defal une phrase bo xamne sujet verbe complément la bu ko mënul koku punition biñ koy tek du bokk ak ki nga xamantene day do genn ci jardin d'enfant bi di dem sey ñu wax ko lan moy un verbe te xamuko ñom ñaar duñu bokk voilà parce que ké normalement dafa waron def lool ñu jël benen exemple ki nga xamantene mom ministre de la république la amna yenn bassesse yo xamantene duñ ko may mu diko def ci digg peuple bi ñepp diko gis alors qu'en réalité bu fekkontene un simple citoyen lambda bo xamantene briguewul ben mandat nekul faluñu ko ci ben poste ki mom bu ko defé grawul nañ ko bayyi kenn du ko ciow amul problème et cetera mais ké mom bu ko defé radio yi dañ koy wax télé yi wax ko ñu daal koy daanel hein mën nañ ko tapit kasso et cetera ndax dafa taxal de république bi voilà lool moy différence bu mak bi nek ci motax ki soobu yoonu yalla mom yamul ak ki ci soobu ñom ñaar yamuñu de ki yi mëna permettre keneen ki mënu ko permettre bopo té parfois affaire yu ndaw moy waral ñu dindi lepp dindi lepp li ko yor yépp ñu dindi ko daane lepp tout nga retrouver mais ak yelone bu ko yalla nti yalla bu ta té du yam ci yelone bu ko mo tamé ben du yam ci yelone bu ko irrécupérable non seulement irrécupérable mais day and ak ay punition ndax lan parce que comportement bu giso ni motax gis nga gaay bu ñu jëkëlem ci diwan bi premier jour bi yi ñeen di jangal non d'ailleurs lool mom lañu ñëk jangal sax nan ngay secret nan nga koy transmettre ba nga xam lan la mais ñu wax la tam gravité bi nekk ci nga jox ko ko xamanteni yélo wu ko ak wala bok nga di ko divulguer secret dañ lay fofu motax ngay gis pour le début bi danaka dañ lay réñu mais wax la gravité vraiment yi nekk ci nga jël secret bi nga divulguer ko gindé non lool mom gravité la parce que lutax parce que instance bu nek dafa am lool mom motax lool déjà lool ben affaire moy est-ce que man nga yanu secret hadra parce que man nako lool sax presque condition sine qua non la déjà pour ñu bolé la ci est-ce que secret yoy yep nga yor est-ce que yow man nga ko téé té doko do ci waxtaan ak kenn est-ce que man parce que attention so ko démé attention de so ko défé non boko défé du baax dé yone dal sa gaw waaw yalla ñu yalla saw dëng kon loolu boba kon mom mais il faut déjà muy mën xolam muy takko ak yalla sa suné ci luy nekk ci hadara légui nak fayda dakhalaha su ko duggé maintenant légui amna prérogative propre manou approprié légui pour mëna dugg ci hadara bi kana day nekk maqamuhu maqaman fiha ci fofa munasabatan di askanonté ma lepp lo xamantene in kashafa wunñeku na lo ho ñel ko min sifatillah ci melo yalla wa asma'ihi ak turum parce que essentiellement d'ailleurs moy secret yi moy doon wax legui ni essentiellement ay tour la ak melo yalla essentiellement secret ce qui fait que day am tour yalla yo xamne dañ ko koy dévoiler dañ ko koy won mu koy gis ni koy won ay melo yalla ak ay tour yo xamne da koy xam legui dañ ko koy wëñu muy jakarlo mu xam ko xam deug deug lan lay dund xam yi ci tourner autour mais parce que lumuy gënd yi makama bu mu gënd yi day am ay touru yalla yuñ koy dévoiler en réalité le cheminement spirituel bi non la démé c'est-à-dire que makama bo gëna yek loy gënd di dem ci makama bo joggé ci bénn bu dem ci bénen day am ay touru yalla yo xam tane mom lañ lay xamal nga xam ko nga réaliser ko incarner ko continue mbirou non lay démé wala la di nga dem nak ba nga xamne danaka yi ci dess yep mais motax yoy bi gën di dem di dem da ngay gën di am jëneen tour après yenen ba même bu mag bi mais ismullah mais azam lay wax parce que berna comme niñ ko gissone bismillah azam manam une infinité de noms la en fait manam terme générique la bo xamantene une infinité de noms ñoo ci nek bismillah azam bismillah azam sanga bismillah azam mais en réalité bismillah azam ñu neew ko xama mais waxuma le bismillah azam sax mais amna benen tour bu nek ci ronam am du sax ben amna yenen mais c'est que daf ci am bo xamanteni mo gëna fort ci yi wat mais bismillah azam bu nekké ni comme ni ci kaw ni comme ci asaman c'est comme asaman dafa am ay comme taw buy taw dafa am ay gis nga tok ndox ni ñi def fi ñi jaar fil bobu di wat non la amé ay une infinité de noms divins ay tour yalla yudul jeex du xaj yo xamantene non lañuy wacce mais parallèlement c'est à dire que ce qui fait que tour bi bokul bi te yoy yep ben bu ci nek mënef no joyal tour ismullah azam ci yoy waxuma non C'est-à-dire que waxuma bokut ak yi gaay yi di faral di joxante nan bi ismullah azam nangam waxuma yoy yenen yi lay wax manam yi nga xamantene déjà taw ñoñu dañu juggé ci ay bëbb lañ yu juggé ci secret yu mak yi nga xamni mom moy ismullah azam moy tour bu mak magama wala moy plafond bobu mom ci la yépp juggé amna yenen amna bo xamantene ci la bind bi manam borom bi mi bind minde fi yépp tour bobu ci la juggé mi bindé minde fi yépp moy bindé waxtane kéro wa amna benen tour bo xamantene amna yene amna bi nga xamantene mam adam ala sallam manam ban bi ko bindé tour bobu lañ insufflé ci mom mais ismu bu mag be mag tour ismu lahi azam al kabir al akbar alladhi huwa ismu dhat wa aynuha al khaf biha wa laysa liz zati ismun ghayruhu man bobu lay wax tour bu mag ba magama guré bi nga xamantene mom nek borom subhanahu wa ta'ala moko jago ci jëmmi bopam bu gën ba mag wala même yoy non motax ñu bari dañuy fogg ne waxuma la bob mais amna ci yeneen rek yo xamne ñukoy xam ci nombre de personnes mais dañu tuti ñu limité le waxuma la nak bu mag bi nga xam tane legui gay yi fogg nañ ni kenn ku newe fogg nañ xamna ala demul non kenn ku ne fogg nañ xamna ko manam bo kenn ku ne da ci ñi yëngatu ci walu lasrar rek yoy lay wax dañu fogg ne xam nañ ko kenn ku ci nek boko laj bi amna tour bu yor defena ni moy ismullah alazam mais ismullah alazam bobu ku ko xam ku ko yor dang ko xam parce que day indi ay soppi yu muy soppi ci sa yaram yo xamantene ciopité yo xamné yu gaaw successif tégalo té gaaw yo xamantene lool ku ko xam rek ku ko am da koy xam non seulement du yom fofu mais daf ci bolé dañ lay wuñil ay réalité manam da ngay gis ay réalité yo xamné ay haqaayif yo xamantene loolu ku ko xam di nga xamné yi mom yi xewna et réalité yi may gis ni légui réalité la bu tuké ci ismullah al-azam bo ci bolé le fait que tour bobu kenn du ci ñaan dara té loola du am am yéfer xam nga yéfer bu ko mu dara bu ko jëlone ni tay fim tol tour bobu bu ko jëlone té wax taxaw ci force né yalla aduna bi na tukki légui aduna bi day tukki légui tour bok ko am di ko xam force bi dum ci woti non manam pour wax ne ci sobe ah mu nek ci sobe voilà manam mom kon c'est comme yefir bi déjà déjà voilà mom normalement moy ko xamné amul ben spiritualité taxaw ci force wo xamantene sogara bo mo taxaw ci kawma mi nek ci biram ha wax ne yalla na aduna bi tukki legi gis nga ñaan gogou ni mu grawé ak ni mu reey legi aduna bi day tukki budé tour bobu la ñaané tour bobu sëriñ bi képp ku ko yor da nga ko xam lolu jarul ku yor ben ñaan affaire bi kiwul rek xamal ni du bob waaw non mom lool mom c'est une évidence xamal ni kon du bob men may legui nak ñu gaay yu bari fokk nañ ni tour bobu ñu ngi koy doxanto nek simple wul non Evidence. Evidence. mais nit ki lu muy gën di dem ci hadara bi kon non la lu muy gën di avancer ci bir hadara bi bu fa nekké maqamam day nek solo liñ koy wuñul liñ koy dévoiler ci ay touru yalla ak ay melom denga fa iza sa yo xamantene adda joxe na legi xolal adaba ha teggini tour yoy tour boba gis nga tour yoy ñu ko won ak melo yi teggini yamu lambol wala bok teggini waw waw yamu lambol ci xabaram wa wadhaifaha ak liggey bañ ko fa jox moy poste bi wadhifa gis nga wadha ala mo leer wadifa mo liggey buñ la jox nga war ci nga wara samonté mom tous les jours lolé wadifa voilà légui donc poste bi rôle bi mu wara lambor tour bobu incarnation bi mu la wa haqa'iqaha ak haqiqa yamu ya nek ci mom manam moy réalité yamu nek ya ci aju ci hadara ba suko matalé suko joxé ba matal ko nasa ba day dadi askanon tek al maqam maqam alladhi bi nga xamne fawqaha mu fet kaw legui nak dañ nan ko wa yow nak legui matal nga affaire yi finalement c'est bien et legui dañ lay propulser yobul ci benen maqam ni nek ci benen bi ci kaw nga ne fofu affaire bi ni lay def bobu maqama alladhi bi nga xamne kana nekkon na muhtajaban di kuñu yir an bu wolif bobu maqama fa yarqabu boba day dadi yek ilayhi jëm ci bobu maqama wa yadkhuluhu mu dugg fa fa yatajalla mu dadi wunñe ko wat manam mu feñu wat ko yalla feñu wat la ho ñeel ko manam mu manifester wat ci ak ci mom encore min asifat ci ay melo wal asma'i ak tur qadrama dayak lo xamantene yakunu dana nek al maqam maqam bu maahu ma ho and ak mom kan nuqtatin kem tok fi bahrin ci geej wa sifatu ak melo wal asma'u ak tur alati nga xamantene in kashafat wunye ko na lawo ñel nako bin munasaf gati yi ci la askanon tek mom la ha diko ñel yoy tamit affaire bi tamit non lay demé kon à chaque fois sa yu ñëwé maqama bu jëk bi bu fa jallé dañ ko yob benen c'est que en fait même nit ki avant muy dugg ci hadara bo manam maqamatul yaqin yi mi xott par exemple ba yegg ci maqamul qurba avant yi tawba ba amna mahabbatal wala bo xolé wala az-zuhdu sabru ak shukru yoyu non buy jall ak khawf ak raja ak wala tawakkul et cetera bon legui nak borom en fait ni manam c'est que walu tasawuf ñom seen jëmi bop depo wuñu complètement ci maqama yo ci maqamatul yaqin yoy nakala ak nan lañ toll ak ñaata la ak fan la ñom seen bop dañ ci wut parce que daf ci am ño xamantene dañ japp ne timir la wala mo ko ñen ñi japp ne jurom ñaar kessa la ñen ñi japp ne jurom ñent la et cetera parce que tout simplement kenn ku ci nek selon ni ko teunké la du né parce que nit ku nek tamit réalité bokul ak réalité kenen lolu tam benen mbir la et que benen bi ci dess bi tax wax yi wuté moy ki mom da fay wax di tudale detail ki ci dess di tudale mi ngi melni tay buñ né processus bi pour am doctorat ñaata la nga né kenn ki né entrée 6ème la après BFM après bac manam topé ko non ki ci dess nak mom dal di jël affaire bi dal né CI CP ki C1 C2 ki nangoo asata manam procédure bob xam nga bokul manam ki ni mu définir bi ak kenn lool mom moy indi wouté manam wouté mais du né wouté bi dafa et que parfois aussi kenn ki da ngay gis ko xamantene yenn état bi même boudé brûlé wuko mais daf ci gaaw rombu ko xamantene mom ci bopum tax ko yek lool né rombon na maqam bob motax ngay gis mom par exemple du tuddu maqam bob ci poste ci buntu bi ci yoon du ko tuddal mais maqamay mom d'ailleurs lool moko wouté xal mom nan diou da nek ci xal yoyu en fait moy lo xamantene xal kon moy lo xamantene da fay exister ci nit ki mais day rombu dem lolou moy xal par exemple tay bu ñu jël na day ñëw ka dem day ñëw ka dem wala bok mu ñëw ben yoon jek jek dem wala mu ñëw tok ben moment après mu dem mais saxatul saxul ci nit ki xam nga lan moy maqam gis nga télé bi fi mu ni lolu maqam la du fi yëngatu station gis nga auto auto auto boko xolé di nga mëna xamé xal ak maqam auto dang koy gis muy daw daw daw ba yag mu dem garé fenn taxaw fiek nak mi ngi nek ci di loolu ngi doute moy di jema taxaw diko jema han créneau créneau voilà fiek mi ngi créneau ci mais place bi nonu ba tay nekul maqamam ci xal la nek mais su deme ba taxaw ba ñu fay affaire bi nak da di def mi yekiti ki bobu voilà frère da di ubi tej loolu legi mi ngi ci maqamam station C'est la différence entre le maqam et le maqam. C'est-à-dire que l'état spirituel là, particulier, où je suis, moi, je suis. Mais, si vous faites une affaire de perpétuer le monde, vous savez que ce que vous pouvez faire, et ce que vous pouvez donner, quelle que soit la nature, je suis. C'est ce que nous avons dit, Makama. Voilà. Xewul ñewat a sant rek alhamdullilah tabarakallah ma ngi sant ko xal la mais bala may nek sant kat deug deug deug il faut que mu nek lo xamantene manam lu mu meunti gis ci lu nek dama ci gis ne li dama ci sant yalla bu boba lool xal la ci lool maqama la ci man station la maintenant nak evolution bi ni mu deme moy soy doga yek ci ben maqama xal lay don ci yow nga balbutione nga yeungatu di ki do taxaw ngay vaciller di ki ba kero nga ci stabiliser wu so ci stabiliser wu nak comme auto bi so ci stabiliser wu yang ci maqam legui nak mu doga nek ben maqama ñu ne wala comme que mir mi nek na maqama ci yow nak legui legui nañ la yekiti yobul ci benen bu ñu yegge ci benen bo fay doga ñew tamit da ngay do tok bu baax da ngay wala mais à chaque fois que nga tok bu baax stabiliser wu deug ci ben maqama dañ lay yekiti yob war la fenen boba nak mu nek xal ci yow comprendre non la mbir mi dem maintenant maqama bu ne dafa am ay teggin yu mu laaj dafa am ay réalité yo xamantene mom nga ci wara dund dafa am ay touru yalla ak ay melo yo xamantene mom nga ci wara xamé ñom ñu wara dévoiler wu ci yow comprendre ba kéro ngay yegg mbir ni la dem wala comme ki sante di gëreum mom tout temps day gis mbaxuk yalla meloy ki nangam no ak tour yi ci aju mom lu mu gis rek dina ci gis lo xamantene warna tax muy sante yalla donc ce qui fait qu'il est en perpétuel témoignage contemplation de la bonté infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala donc kok mom non lay mel tout temps mi ngi ci témoignage bobu li gis manam borom bi mbaxam gu djeggi dayo ci lu ne day gis tout manam mom du gis dara affaire bi metti parce que day sante lolo tax walu yi nga xamne ñom maqama bobu la nek ñoñu natou bu ci yexé ñom kenn du len wax ne len de len muñ parce que ñom wéssu lañu légui fu ñuy muñe ñom sante lañ sante mom moy sen moy liñ wara def bi sayyidina umar radhiyallahu anhu buma gisé natou yalla tek ma ben natou man damay sante yalla d'abord tout simplement rek le fait que ni mënon na gëna metti li lolu rek voilà première chose moy moy affaire bi lu mu metti metti moy mënon na gëna metti ni li le wettu borom bi ak baxam gu reuy bi tax metti gënta metti ni lolu déjà ma sante ci yalla ñaaral bi dess mom moy le fait que muy doga tambalé parce que mënon na tambalé bu yagg té doon am ko yam wala bi ci dess moy ma xamné sama ngariñ la wa donc le fait que muy ngay manam kon koku ko xamantene mom lolu moy état d'esprit wo manam pa xala mais makamam ko ken du ko wax ne ko del muñ mom del sante lañ koy wax mom day day sante di geureum rek waaw nata affaire yi ha sante geureum rek alors que kenen ku yeggugul fofu mom ah xa muy metti ñuy muñ rek wa leg leg sax mu jek jek ne ah metti gi sax taxu ko demé non waye dal ñu ñu muñ ya la ñaar sax voilà et cetera topol lol nak manam lol exemple la ci ci hal ak maqam amna benen différence moy borom hal likoy stimuler li tax hal bi am ci bir lay ne day neubutu meke day fenc biti meke day fenc biti lo tax ngay gis ko ku nek xal mi liko yeungal ci bir la ne donc xetu mais non xal ko vrai la wax kofu leer gi ko yeungal ci bir leer la bu ko yalla bété mom yeguko té amul tamit lu lo xamantene peut-être que daf ko saxo wala mu nekk ci ba tax affaire bobu dal ko dedet yalla moko beté rek lèr gogou nekk ci bir donc mu après mu dal di am effet ci biti lolu xal alors que maqama contraire bi la maqama nit ki moy am yuy fegna ci mom ci biti après mu def effet ci bir manam day nek di def dara ci biti saxo ben xéetu jaamu yalla wala di def yenn effort yi ba ben moment am lo xamantene mom moko indil maqama mu nek ben lèr bu mu am magasiné ak énergie bu mak bu mu am mais ci biram mu nek une énergie et une lumière et un secret spirituel bu fort bu intense bu nek ci mom tax mom lolou mom moy maqamam légui ba li sa différence wala ñom ñaar lolou mo leen wutal wax na ci leen wutal motax lolou motax lay leen gis benn affaire yëngël kenn ni am ku ko gëna for fu affaire bobu du ko yëngël wala comme li ñu wax né li ganar mos ba tax muy ciupi xar lek nako ni tek wala lu ko op fouf ni tek wala xam nga lolou leg leg ba lolou leg leg day am souba mot ana borom makamay kay souba lolo tax ñuy neubutu lolo tax ñuy neubutu parce que ñom dañuy am dañuy dañale yu bari yo xamne am nañ ko ñom tok mais du leen jëngël ci biti du am ben effet en fait du am effet wu xal ci biti parce que mais ñom ni ngi koy mi ngi nek seen biir nu tey alors que borom xal yi manam ñi nga xamantene ñoo ñom dañuy wala dañuy expressif dañuy wala ce qui fait que dañuy yomba xamé wala dañuy yomba xamé alors que wala alors que amna ku ko raw mais jounni yor mais affaire bi dafa laqatu ci mom parce que tout simplement biram legui dafa dajale mbir yi de telle sorte que affaire bi dafa stabiliser wu ci mom dafa stabiliser wu ci mom mais quoi mais bu nit ki nekk ci hadara bi legui nak non lay def di yegg bu kër ñu duggal ko ñu ko duggal ci hadara voilà hmm bu duggé ci hadara bi fof tamit day évoluer ci maqamat deng d'abord degi day gis kon dafa am ay kon fu jalle ben su amé yalla da koy wuñil ay tour ak leer ay tour ak yi melo yo xamanteni legui bu joxe teggin yi ci lat yi mu lat def lamu lat ci ay pratique yu rôle yu mu wara def ak incarnation affaire bi su paré day avancer dem ci benen étape ñu yegg yu ci benen maqam fofu tamit deeng nga su ko defé bu boba tamit deeng nga ñu daal koy wuññil fofa tamit ay manifestation ay tour yalla ak melom yo xamantene amagul won amagu ko won mais yu askanonté ak mom parce que légui dafa évoluer mais gis ngeen nit han mën na dundu ba dé ha fekk ben maqama dong du ko xoti lolou day am day gis nit ku dund ba de ben dong waxuma la ñaar wala ñett mais ben kesse waxuma la ay téméré jooni maqama kay kenn xamul nit dañu dund ba de ben dong du ko xoti ben wa deng legui kokku maqama bi bu bes bi tamit fa iza addasu joxe wadhaifa manam la takok li nga xamantene mom moy liggey yeñ ko lacc wala la takok maqami maqama bobu wa adaba ak teginam lima fi ñeel la fa nek min sifati ci ay melo yalla manam ay melo yalla wal asma ak tur bi nasaba day daldi askanonte nak al maqam maqam asalisa bay nete bo warta ka ñu dat ko yikiti fofu manam mu dal rañan fofu ñu dal koy propulser mu yek fofu wata jalla bu boba nak mu dal feñu lawo ñeel ko minasifar yalla da dal manifeste wat ci mom minasifar ci ay tour wala asma ak ci ay melo bok wala asma ak tour fi ci maqam bo ma lo xamne yakun dal nek mawo and ak mom al maqam maqam asani bay ñaaral bu kan nuqtatin kem tok fi bahrin ci gi manam c'est à dire que maqam bu jekki bi bu koy jall bu deme ci deuxième maqama bi day melni tok ndox ci geej manam maqam bu jekki bi moy melni tok ndox ci bir geej par rapport ak tour ak tour yalla ki melo yimi découvrir ci deuxième bi bu deme ci troisième bi manam limu doon gis ak liko yalla limu doon xam diko découvrir rek niko ci maqama ñaaral bi day melni ben fokk ndox ci geej par rapport ak ñettel bi legi fa iza adda bu joxe wadhaifal maqami manam la takko maqama bobu asas be ñettel wa adabi ak teggina adabi ak teggina bima ci nga xamne fi nek na ina sifat ci ay tour ci ay melo bok wala asma ak tour nasa ba day daal askan ta al maqam man maqam ar rabi may ñettel ñentel ba farta xaw mu daal ko yegg bi nisbati ci ci lamu askonante ak mom ci lolo wata jalla mu feñu bur yalla feñu lo ñal ko fi ci mo ci fofa min afibat ci ay mel war asma ak tur wal mawahib ak may wal fuyud ak bubu wat tajalli yak ak ay tajalli yak moy manifestation manam may al mawahib moy don les dons divins fuyud mom moy effusion les effusions de tajalli yak moy ba les manifestations voilà ma lo xamantene yakunu dana nek ma wo andam al maqam salis ñettelu maqama bi boko comparer ak bob bi nisbati ci buñ ko asanata ilahi dem ci mom kan noktatin kem tok dox rek fi wax ni ci comme tam non la summa top nak iza adda bu joxe wazaifa maqam manam la takok maqam ba rawe bay ñentel wastafa wastawfa mu matal complètement adabahu ay teginam na fa day askanante nak ñu mën ko duggal ci al maqama maqam al khamis bay juromel bi ma ci lañu fi nek nak mina sa wat tu amara wala sama ay tu faiza nasaba wu askanante lola irtaqa de dal yi tam ilahi dem ci mom wata jalla mu dal feñu lo ñal ko fi fofu ma lo xam tane yakun dal nek al maqam maqam ar rabi way ñentel bi nisbati ci buñ ko askanante ilahi dem ci mom ko noktatan kem tok ndox rek fi bax ci geej wa hakaza non la mbir mi di demé nak gis nga comme non manam per non la mbir mi di demé abadan ba faw sarma dan ci lu wey kulama sa yo xamantene dal irtaqa yegna maqaman maqama wa wafati mu matal bi wafay bi ci li nga xamne mom la lola taxol wa da bi ak teginam tax nasa ba day dal askanante al maqama maqama alladhi mu xamne foko hu mu fete kaw fataka mu dal yek ilay dim ci mom bi nisbati yi ci lu askanante ak lol manam ndax askanante gam askanante ak mbir mom wata jalla bu boba dana fiñu nak la o ñeul ko fi ci bobal maqama ma lo xamne yakun dal nek al maqam maqam alladhi bi xamne taxaw mo ne kon ci ronam bi nisbati ci buñ ko askanante ilahi ci mom kan noktatim kem tok ndax rek fi bax ni ci geej wa hakaza mirmi ni lay demé abadan ba faaw sarmadan ci wey fi tuli umrihi ci giiru dundam al akhirati bu al akhir bu mujju al abadiyyati bay ko du faaw ga lol mu lol la motax nit ki su yegge niveau bobu il faut mu am niveau bobu niveau bo xamantene day dugg ci xatar bi non complètement bi yek ci maqam bob ko lool mo motax ñuy bëgg réalisation bob di gaaw motax ngay gis nit yalla yi li leen soxal ci le fait que lool ñu am ko ñu mën ci accéder gaaw du né dañu bëgg maqam affaire bi neex leen bu lool mais c'est que parce que lool tamit benen hijab la benen kiray la muy bëgg maqam yi benen kiray la parce que maqam yi waru la préoccuper mais ki joxe maqama yi voilà yalla mo lolou préoccuper mais le fait que ñuy bëgg lolou affaire bobu ñukuy bëgg diko yakamti c'est parce que aussi suñ fa yégul ba dé jeex na c'est fini pour eux ils sont cuits parce que en fait affaire bi dañ koy arrêter toute évolution est arrêtée à partir de moment bobu manam nit ki bu déwé doomu ad nit walu yé ku dul walu yo ci yam bu déwé ascension spirituelle am arrêté c'est fini dootul demati voilà dootul nekati di évoluer bamou dess ki nga xamantene dafa dem ba jeex tak ci yéneenti bi sallalahu alayhi wasallam kokku mom moy am possibilité bobu moy am possibilité nak légui à partir de ce moment là comme dafa jeex ci yéneenti bi sallalahu alayhi wasallam légui mom lay yegg rek ci maqam koku même bu déwé da jeexna parce que mi ngi mom lay xatar bobu lay junjuni mom lay wax ni nga xamantene bo ci xese bu dugg yow ci yalla ngay ne sa sulé fo tolo et cetera mais ki duggul fofu ki yeggul fofu koku day dafa laaj muy évoluer et que il a intérêt su fekkene ne dafa bëgg affaire am di wéy rek ke du arrêter mu ko du am tank ginnaw mais tank kanam kessé koku il faut mu dem bu dugg fofu et il a intérêt mu gaw réaliser ko bala mo dé parce que su déwé té réaliser wu ko affaire bi day arrêter mom la hadith bi di wax bu doomu adama déwé in qasa amul idha mat ibn adama fa amul djibum bi day arrêter mais ñoo ñu exception donc il a intérêt parce que sinon té lool nitu yalla mom xamna gravité bi nek fi yoy motax ma wax sank né il est cuit manam parce que xamna problème bobu gravité bi ci né manam day tax du yow xam nga lool et puis parce que kiou yalla la quoi manam c'est que manam le manque à gagner est énorme lola tax ñuy wax manam ci li ngay comprendre le fait que ñu né su nit ki djub deugmalé ci yalla ay djuni djuni at mais da di négligent ben moment kessé lu tolo xefa kepi kessé lamu perte mo upp doole fouf lamu jotam amassé yépp depuis bob parce que lutax parce que fumu as fumu matalé téggini aju ci makhama bi bu yégué day melni tok ndox ci djit day melni manam lamu wess won yépp day melni tok ndox ci djit xam nga koku bu togué ben moment bo xamanténi évolué wu mais il a perdu mais énormément lo xamné kenn mo mais manque à gagner vie c'est voilà mo upp doone lo mais ñoñu mais subhanallah xolal yalla ci yalla xappa xolal sa mas gi ni ñu soré ci xalat affaire bobu yef manam ci imaginer ko rek waxuma la diko réaliser mais tu juste que imaginer yoy xétu réalité ñu ci soré rek subhanallah nga xam dañuy dund non dañuy dund rek on fait la vie et après mu jeex la mort surviendra day ñew sa yoré ñew et puis jeexna alors que ni ñom non ñom ñi ngi tout temps ci motax en fait ñi dugg ci hadara bi ñom non la seen bi motax mo na fal arif motax arif billah bi deug manam bi melni fi ci bir mom ah ci maqama yoy ci hadara bobu abadan ba faw ala hada taraqi mi ngi ci kaw yeeg gogou mu ñi tout temps mi ngi ci ascension spirituelle permanente et éternelle ba alakhirah sax lay continuer ba faw du arrêter alors que ñeneen ñi ci dess bokk ñom c'est affaire yu arrêté na depuis longtemps deng deng muné kon fal qurbu jégen huna fi alladhi bi nga xamné yusamma mom lañu tuddé sahibuhu boroma muqarraban ka nga xamné mom lañu jégenal mom moy muqarrabuna ji ulaikal muqarrabuna ni yalla jégenal moy muqarrab moy 5 lieu moño ñoño ñu bari lañ woon ci ñeek ñu ñu mujj ñu tuti lañ sulatu min al awwalina wa qalilun min al akhirin ñu ñew le ñoño ak wa ashabul yamin bokku ñu ashabul yamin moy ñi ci wa nday jori ñoo ñeneen lañ bax nañu dañ daan def lu bax dañ ci mais ñi yalla jégué ñam ñoo ñu sopp ñoo ñoy ashabul rasulullah la ñoo ñoo ñi jitu xam tane du yalla ci mbiru yalla ñoo ci jitu donc ñoo jitu aussi mais ñoom koku yalla manam koku nak lay wax mom manam moy ci yalla jégué ñam moy borom maqamul qurba bobu wo mom iza waffa sumatale moy ki nga xamne wo moy ki nga xamne iza waffa sumatale as-sa'ir aji tukki gi ila allah jëm ci yalla ta'ala aji kaji bi wadaifi hein ci ay la taqok ci lañ ko digal ci lu war ci rolu maqamihi maqamam wa adabi ak teggina koko moy ki nga xamantene da fay tukki jëm ci yalla mais di matal li nga xamantene mom moy wala limu laaj ci maqama ba ak ay teggina nasa bo boba day askolante tamit al maqam alladhi bi nga fofu mo fete ko mon ko su jalle day wala day daari meuna approprier pour meuna dem ci maqam bi gënou fete kaw way sama dañuy tuddé nak at taraqi yeeg gogum yeeg fil maqamat ci maqama yi mom lañuy tuddé huwa mom al qurbu jegeñ al haqiqi gi taxu manam gu deug deug gi ndax lan lil munasabati ngir askano gi mu askane manam approprié bi mu approprié alati bi nga xamanteni fi mo ci nek manam appropriation bi ci nek mom motax ñu tuddé ko as djégen deug bi fa innahu li yurbu ma la yaqdiru do am carte masalan ci misal an yakuna ci mu nek fi maqami ci maqam al alfi gi ko djuk djunni gi wayna sabut ba pare muy askanat muy nasab mu askanat al maqama maqama alladhi bi nga xamne ho mom mukammilun mom moy aji matala mi ata alfi maqamin manam temeri djunni maqama koku par exemple lol la mom par exemple du man nek ci maqama 1000 bi rek dal di dum yek ci 100000 yu maqama lol du ko man lutax fa inno ndax mom kat la yak fala yataqi du ko yek li bu adi nisbata ngir sore askanon te gi mom il n'est pas approprié pour meuna yek fofu deug sore appropriation alati bi nga xamne bayno mo dox ci digeentem bayno ak maqama bobu dafa sore mom ci million maqama la ne fele dafa sore top 100 million donc il faut que fokishou fa inna li wor wor may sifat turi wal asma ak melay ak non sifat melay wal asma ak turi wa tajalliyat ak tajalliyat moy manifestation alati nga xamne tan kashifu ñoy wunñe ku lo woñel ko am ñoy dévoiler wu ci mom fil maqam ci maqam alati bi nga xamne wu mom mu kamilun moy aju motali mi'ata alf temeri jooni maqamin ci maqama la yaqdiru du mom da dul meuna am katan ala wadaifha ca la lola la ci xeti liggey ci xeti manam rul bagn ko wor lolou du ko man xale bi nga xamanteni mi ngi nek fim tollu sey di wara tollu ci jang sey kokku munul gaddu responsabilité yi nek par exemple ci nek professeur université manko il faut manam munul rôle yoyu munuko jouer non nagn ko bayyi mu cheminer ba kérok mu meuna nek professeur après mu nek ko loko bëgg sey la nek pour le moment mais may ko temps pour et mu meuna le temps ak mu meuna mag et d'ailleurs yaram moko dul atta lolou tax ngi gis xalé lolou tax xalé en fait té lolou ñu bëgg dañ ko réré en fait nit ñi bëgg dañu fone kay mais nit day juddou wal da nga gis nit ko xamne day juddou walé fat ko juddou walé maqama yu bari yu mu am mais sauf que duko réaliser duko incarner du nek lire juddou am ko réaliser ko dé ñu bëgg dañ fone ñu bari bëgg dañ juddou walé ni rek après non non mais dañuy grandir dañuy mag ci bir nit ñi di leen gis té duñu xamné ñi amna yalla defal na leen dara tout simplement parce que seen yaram mo approprié wul pour meuneur accueillir yoy c'est pas pour rien motax yalla di ñu digal di wax ne ko par exemple xalé bi fo ñu xaar ko amé juroom ñaar yaa wala ñu digal ko muy julli et cetera bo amé fukki at suko deful ñu door ko ci et cetera et que âge de la puberté par exemple ci la ko yalla farata la li nga xamné mom moy farata yi na et cetera manam mu nekk mukallaf c'est ça aussi manam feeg yeggul fofu amna réalité yo xamné du ko mën am manam ak luko yalla may bu nekké xalé non amna yum dul gis mën na gënt yenn affaire mais même gënt yoy sax dañ koy limiter def ram ñu koy limiter parce que mom yaramam moko mayegul mu mëna dundu yenn réalité yi mu mëna am yenn affaire yu muy gis manam lèr yenn lèr yaramam duko atal moy comme amna ben ki exemple buñ ko joxone yakarna ci jotay yi wess comme tay ki nga xam tane day jog dem Paris instant bi mu jogel ñoo day dem Paris bu gaawé ba gaaw mi day jël avion dem lool moy bu gaawé mais bu boba mu def à peu près 1 heure de temps mu dem Paris mais imagine quoi 1 heure de temps yoy ñu bëgg ko dawlo en 2 secondes mais yaram bi day yaq le détruire du ko meuna te pourtant gawna c'est pas que à peu près 45 minutes mais le fait que par exemple buñ ko dougalone ci ben espace bo xamantene dañ ko koy dawlo 30 mais dafa am vitesse yu anormal yo xamné su ko waré daw yaram bi moko dul atanati wala yaram bi gis nga fim toll amna xamna marathon lañuy def gis nga dañuy def daw dank karak ñu yegg marathon lañuy def ala dañuy daw dank ba karak ñu yegg pare ça pour voilà ça pourrait prendre quelques jours voire voilà un mois mais dina accès voilà koku moy yoonu ñi tukki ci jëm ci yalla ci normalement wa e ñi nga xamantene ñen ñi dañ leen yéegal alifas wala ñu waral leen welo ñi ci dess ñu duggal leen ci auto bi ñu jël covoiturage dem ñi ci dess dañuy dugg train TGV dem yaangi deg mu defal leen 1h58 minute wala 55 legui dafa melni wañeku na 55 la 1h55 minute ñi dess jël avion mais il y a pas un autre moyen en tant qu'être humain pour mëna daw affaire bi ñu gëna gaaw lool parce que suñ ko bëggé jël yobbu ko lool mo motax comme motax ngay gis comme ni auto sokoy dawal bu gaawé ni bo vitesse bi gaawé da ngay gis buy taw ni da ngay gis affaire bi lay oblique hein da ngay gis alors que boy daw normalement ni affaire bi lay wacce jugé ci kaw ni wacce mais tay parce que vitesse bobu auto bi di daw moy tax yow ngay am impression que ni affaire bi dafa oblique parce que vitesse bi mi daw la mais vitesse bobu yow boko bëggone daw en tant que nit sa yaram day yaq day détruire motax nit mu amna vitesse bo xamné yaramam atanuko mënuko daw et que fim toll imagine toi ñu jël la rek xëc la rek japp la comme ni rek sanni la Paris et en propulseur la ñu sanni la Paris et d'ici 10 minutes vitesse bi nga daw ba yegg par ma vitesse bob sa yaram du ko atal bala nga yegg décomposé ou complètement du deug c'est ça aussi wala soko bëggé manam lool la motax ça dit que affaire bi il faut que étape par étape xalé bu ndaw amna yo xam du ko mëna réaliser pour le moment même bu juddou walé fatkhu juddou walé mayu yalla yu dul jeex yépp ba ñepp xamné xalé bi du ko vraiment ki mom borom yi may yaa mais même loolu amna yu mu dul mëna gis amna yo xam tane du ko mëna réaliser amna ma xama yo xam du ko mëna incarner gum amna affaire et cetera de évoluer ndank ba kérok muy voilà yaramam diko ko may muy dogu meuna gis yenn yi di meuna comprendre di meuna et cetera ba fa day lacc sa xam xam parce que xam nga ñu beur dañ fogné nit leg dañ koy may yalla may day am may yalla et que affaire bi day ñew rek melni comme si ay affaire yuñ koy sol affaire bi du demé nono du comme ben ay du comme gavé ni nono du lolo affaire bi ndank lay ñew da ngay dund comme ni ngay dundé di mag non lay ñew am di dund ndank di mag wala ndank wala non la tamit manam leer yi ak yenn secret yi ak yenn may yalla yenn tejal yati ak kusu fati manam yoyu bu ñewé ndo nonu yaram nit ki duko atal c'est ça aussi duko atal maintenant nak bu démé ba deuguer non nak ngay gis nak affaire nak di ñew nak ak doole nak di gaaw et cetera lool day mëna nek après mais début bi ni mom lolo tax souvent même xalé yoy nga xamné borom may deug la ni souvent dañuy mag dans un milieu naturel sans que ñu bari xam leen mën nañ xam nak né ah ki day vraiment yitté bu reuy bi mu am ci xalé bu ndaw ak bëgg gi mu bëgg lu baax ci xalé bu ndaw manam mën ta dem ci yu bon yi ak yoy manam da ngay gis né yoy day tektalé ay signe la yu wone liko yalla défal mais pas pa yenn affaire yu muy gis wala yenn ki non yoy en fait doko dul attend ce qui fait que même kuko bëggono jappalé ci walu yalla sax il faut mu xaar lool la tax manam kon doko dul man manam da dul am carton ki nga xamne mo nek ci 1000 du am carton lu dem ci niveau 100,000 parce que yamul laaj yoy la attanul xale bi dogo ñew nek genn jardin d'enfant yene nga ko lu bax mais mënu loko présenter lo thèse doctorat légui parce que n'a pas les capacités amul capacité voilà même bu fekente ne amna prédisposition yi et que xamna ni crack la xel mi xam nga lool day am xale bi crack la nangam mais mënu loko présenter lo thèse doctorat légui parce que il y a dafa am chemin dafa am yu bari yu mu wara xam d'abord mën nga ko sauter quelques classes oui mais pas à ce point voilà pas à ce point voilà affaire bi non la démé dengo kon kon mom du meuna am role yoyu nga xamne mom la war am fofu wa adab ya ak teggini wa tahammul gis nga moy liñ doon wax de ak meuna yanu afqaliha disayam disay lol kok du ko meun man ko xamne wo mom fil maqam mi ngi ci maqam al mukammal bay matal rek al fi maqam junni maqam kok manul yanu disay bobu munul yanu lol fo wo lol motax kok bi hadir haysiyati ci kok rek anam buñu xole mbir mi fofa wo mom ba'idun dafa sori min hakim ci mom ci maqam bob la yaqdiru du am katan an yaqtaqiha ci mudiko yek hatta mbete idar taqa bu yege maqaman maqama ba'da maqamin ginnaw maqama non la gis nga tank bi sama tank bu mako jele tek ko ci escalier bi ci dess peut-être que mën nay sauter deux escaliers mais 10 escaliers ki ou escalier quand même du fay beuri ci sama ci man donc pour yek no vraiment voilà yalla def na mama spécial certes di meuna jël sama tank bi tek ko ci 3ème pal ki ou escalier bi mais bu maté 10 quand même day commencer bari way bo xamna djigi day voilà non na def affaire bi voilà rythme quoi voilà mo beugé yek buma defé né duma dem manam d'ailleurs demi risqué gañu rek alors que suma jëlé tank bi tek ci benen bi après mo djegi benen dans 10 pas ci 10 pas ma yegg suma ko beugé def nak ci ben tank kessé damay am problème wi sonu ko non déjà damay gañu lool moy ben bi ci dess moy duma ko def ci temps bu baax et cetera damay am problème mën na ci jëlé lool voilà surtout que bu fekkante escalier yi ci wette gi amul barrière escalier surtout bu dé lool parce que mën na top ki après mo ba xalam té bu fekkonté na ma sori bu mo daano ci rempart waaw bu ko amul rempart bu mo téggé sama ki bëgg ték fu mën dër né lo rek du bax surtout bu dé dafa fekk ma nek ci par exemple fo xam tane ay 15e wala 20e étage yoy ma bëgg ko def wala lolu ta affaire bi étape par étape la motax même serigne bi lum la bëgg na la yéné na la yépp mais non il faut que cheminer quoi cheminer mo no bul yakamti bul fogné bëggul ay yékiti xam nga ñu bëri lolu la ci fogg motax talibé yu bëri fofu lañu joomé dañu and ak ben serigne mu leer ni ki mi ngi leen di yékiti mais ñom affaire bi dañuy xépp vitesse bi de telle sorte que légui dañuy japp né légui nak après finalement ñu muju dem désister da di bayyi ñu muju après mu nek yalwaan bu kepp manam ni finalement en fait ñu retourné wu ak zéro amuñu dara alors que affaire bi semaine mala voilà dengu kon lool mom motax manam kon mom da dul am hein katel wa ci meuna lolou bi tawfiati ci matal wazaifa manam wa ah du lol wala wala wazaifa wala li nga xamne mom wazaif li aju ak ci liggey bi aju manam ak la lambok kul maqam bepp maqam wa adab ak tegginam ila an mbete ba nga xamne yasara day yegg al maqam maqama al mukammal bay matal tis'at djuroom ñent wa tis'ina ak djuroom ñent fuk wa tis'amiat ak djuroom ñent timir what is atil ak djuroom ñent what is ina ak djuroom manam ak djuroom ci alfin ci alfa maqam manam moy 99999 maqam il faut muy def ben bu joge ci 1000 foy def ben ba yegg ci 99999 après faiza sawfa bu matale wazaifuhu la lola takkol nak lañu ajuté lolo wa adab ak tegginam na sa bobo dana askonante nak al maqam maqam al mukammal bay matal 100000 wa temeri jooni moy 100000 yam fa yartaqi mu yek fa ihina izin bu boba deng waqat te fek deug kana nekon fil maqam te maqam al mukammal way matal alfan jooni fi ghayatul bu'd ci lay sori am bu wëlef ko manam dafa sori won lool sa am kemil bi wa wana ani ñi ngi nam bil bu'd ci sori gam ci sori nak bu ñe sori na maqam bobu limi teki moy adam ñak ak munasabati askanonte gamuy askanonte manam approprié wul bi tejal li ci di ci feñu wayu manam ci manifestation asma'i turu yalla yi aju ci maqam bobu wa fifatihi ak melo yalla ya aju ci maqam bobu wota di lete ak manifestation yoy tayu fa iza arafta bo xame hada li ñu wax legi ni budé comprendre nga processus bi yépp arafta da nga xam haqiqatal qurb lan moy deug deug jégué yalla wal bu'd akthar alladhi bi nga xamne tushiru mom lay junjju ilay jëm ci mom al arifuna arif billah wa bi hadha ci li ñu wax nak tamma ci la mate al kalam kaddu al qurbi ci lan moy jégué yalla wassalam wassalam lan bir mi voilà kon ñu yam fof ñu nit ñu wax wassalam والله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين